Andando il dipinto per paglione vagabondo e discorrendo per la oscurata aria, li vede visto un lume, al quale subito si indirizzò e con vari circoli quello attorniando forte si meravigliò di tanta splendida bellezza e non estando contento solamente al vederlo, si mise innanzi per fare di quello con me degli odoriferi fiori fare solia. Come ha sottolineato Carlo Vecce, la farfalla è qui metafora universale, perché è bruciata e consumata dallo stesso lume che l'ha attirata e risponde quindi a un destino ineluttabile che conduce per legge di natura gli elementi a ritornare al caos primitivo da cui hanno origine. Nel testi del mostro marino della caverna, Leonardo racconta di questo desiderio di ripatriarsi e ritornare nel primo caos, proprio a similitudine della farfalla al lume dell'uomo. Questa favola è quindi intrinsecamente legata alla sua concezione della natura, soggetta a un'incessante metamorfosi. Ma Leonardo si cimenta anche con un altro dei temi su cui i pittori misuravano la propria abilità, l'abbiamo detto, quello delle scene notturne. E a queste scene dedica alcuni tratti del suo trattato. E ancora una volta questo corrisponde a delle ricerche che risalgono proprio agli anni milanesi, dove sperimenta gli effetti luministici del chiaroscuro, che avranno un eco importante nella tradizione pittorica successiva, fino alla formazione giovanile di Caravaggio alla fine del Cinquecento. Quindi questa pittura con un forte luminismo ha un impatto straordinario sulla pittura locale. Nel capitolo del suo trattato dedicato alla rappresentazione di scene notturne, una delle rappresentazioni più complesse per un pittore in termini di studi di luci e di ombre, Leonardo suggerisce di introdurre un gran fuoco, quindi una luce artificiale, conferendo colori più intensi agli elementi che gli sono vicini e descrivendo accuratamente le gradazioni luminose da attribuire ai soggetti rappresentati dalle tenebre notturne alla chiarezza del fuoco, introducendo considerazioni sulla luminosità delle fiamme. Questa favola di ambientazione notturna riflette quindi probabilmente anche delle interrogazioni su cui l'artista si rifletteva in campo pittorico, in particolare nel campo dei contrasti luminosi. Il lessico impiegato è particolarmente significativo in questo senso: dall'oscurata aria da cui emerge in contrasto un lume, dove l'effetto di contrasto dà luogo a una visione di splendida bellezza. E questo splendida, come termine, potrebbe in realtà risalire etimologicamente allo splendor di Plinio. Splendor, termine che, dove nei trattatistica rinascimentale della tradizione si oppone al termine di lumen ed è associato a un chiaroscuro accentuato agli effetti di riflessione di una luce artificiale. Quindi c'è lo splendor che dà una luce splendida e che non a caso è associato a una luce artificiale, così come ce lo descriveva già Plinio. In questa favola i termini legati alla visione sono quindi ricorrenti e ce n'è particolarmente uno che è importante perché è proprio all'incipit. Nell'incipit. Non è però quindi escluso che i riferimenti alla pittura siano forse più complessi che in apparenza, perché Leonardo introduce il protagonista della favola come un dipinto parpaglione, proprio all'inizio della favola. Elude quindi ancora più che nelle altre favole a questo aspetto visivo, a una pratica pittorica, piuttosto che a una scrittura letteraria e a una lavorazione scritta. L'associazione del termine dipinto a quello di farfalla, cioè può avere un significato forse più profondo, perché può fornirci una chiave per la comprensione della scelta del termine stesso. Leonardo in questo si potrebbe rifare a una tradizione che si ritrova nei dialoghi delle Intercenales di Alberti, che abbiamo citato finora, che quindi è una delle sue fonti predilette. Ci sono quindi questi testi che sono delle brevi prose concepite come favole e per essere lette durante i banchetti, e in uno di questi racconti albertiano, che è molto celebre oggi forse più degli altri, perché è stato identificato da Vincenzo Farinella come fonte dell'iconografia che era fino allora abbastanza misteriosa del Giove, Mercurio e la virtù di Dossodossi di Cracovia. E in questa favola comunque, che è molto successiva, ovviamente siamo negli anni 20 del Cinquecento, ma che si ispira pure del testo di di Alberti e ve lo mostro così potete un po' seguire la storia che è forse complessa. Gli dèi si disinteressano delle ingiustizie terrene e di fronte alla rimostrazione della virtù, la rimostranza della virtù che vedete qui sulla destra, gli dèi trovano come pretesto per non intervenire il fatto che sono troppo impegnati a far fiorire le zucche e a dipingere le ali delle farfalle. Quindi è un modo per giustificare la propria indifferenza alle ingiustizie umane. Mercurio spiega in questa favola, e cito: dicono infatti che gli dèi devono far fiorire a tempo le zucche o badare a rendere più variopinte le ali delle farfalle. E il motivo della rappresentazione delle farfalle, che anche Leonardo dipinge, come lo esprime chiaramente nella sua favola, richiama quindi una tradizione in cui la pratica pittorica è associata chiaramente a un'attività divina, quindi al topos che assimila l'artista al creatore per eccellenza, ma nel dialogo albertiano il dipingere delle farfalle diventa anche l'allegoria di operazioni lievi e disimpegnate, proprie dell'ozio della divinità. Sono quindi forse anche qui un'allusione allo stesso Leonardo, che è intento a scrivere queste favole alternando la loro concezione a quella di scritti più impegnativi, forse ai suoi occhi, come i trattati che comincia negli stessi anni, perché in questi anni, per esempio, registra nei suoi quaderni, nel 1489, l'inizio del libro intitolato Della figura umana, e nel 1490 comincia a scrivere anche il libro sulle luci e sulle ombre, cioè i due capitoli che poi confluiranno nel Trattato della pittura, e forse rispetto a queste composizioni la scrittura delle favole già ai suoi occhi doveva apparire qualcosa di più legato a una forma disimpegnata di scrittura. Quindi l'allusione a dipingere delle favole fa riferimento piuttosto al genere favolistico, forse, ve lo propongo come ipotesi, e praticato quindi come una raccolta di racconti orali che erano destinati alla lettura e destinati forse ai suoi allievi come Giacomo Caprotti, che conoscete, il Salai, a cui effettivamente sembra che Leonardo leggesse queste storie. Se poi consideriamo il duplice significato etimologico del termine farfalla, che in greco veniva designato con il termine psiche, questo termine indica al tempo stesso quindi farfalla e il termine anima, che trapela quindi, e sapete che per Leonardo la scrittura è anche un'incessante indagine sugli effetti dell'animo che trapelano dalle espressioni e dalla scrittura. Quindi il fatto che si serva della farfalla anche in questo contesto di creazione artistica non è forse secondario. Dunque, in conclusione, i riferimenti ad alcune componenti pittoriche negli scritti di Leonardo sembra trovarsi in alcune favole, cioè nei testi più antichi in cui Leonardo mostra una volontà di elaborazione letteraria, quasi che, dovendo misurarsi con la scrittura, l'autore abbia come riflesso un procedimento assimilabile a quello che gli era più familiare, cioè quello della pratica pittorica. E sono allora queste favole in cui la componente descrittiva fondata sull'indagine scientifica prevale e dove lo sviluppo è più ampio, che riflettono maggiori originalità rispetto alla tradizione, riproponendo elementi fondamentali della riflessione leonardesca sull'arte della pittura e riproponendo motivi iconografici cui era particolarmente legato, come gli elementi minerali, acquatici e la rappresentazione degli effetti luminosi, di trasparenza, di chiaroscuro. Queste visioni divennero quindi per Leonardo uno strumento di valorizzazione dell'arte della pittura e a loro volta sono anche uno strumento di nobilitazione della scrittura stessa. Non, non, non. bien, nous remercions Laura De Fucha pour sa très belle intervention et je me permets de me passer à moi-même en quelque sorte la parole pour présenter mon intervention que j'ai choisi d'intituler en effet « Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, étude du motif du miroir dans les écrits littéraires et théoriques de Léonard ». Et je voudrais, dans une brève introduction, justifier le choix de ce titre en commençant par faire remarquer que la fascination de Léonard pour les miroirs est à la fois bien connue et a été souvent été interrogée. Alors je vous donne ici bien évidemment l'exemple de Baudelaire qui dans Les Phares écrivait, je cite, « Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux sourire, tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays », où la production de Léonard de Vinci est présentée, je dirais, sous la forme d'une ekphrasis d'une toile imaginaire, supposée être comme un miroir profond et sombre, et peut-être même représenter un miroir profond et sombre. Un deuxième exemple de cette interrogation postérieure sur le rapport de Léonard au miroir et de la peinture de Léonard au miroir, c'est un exemple plus récent, un roman d'Ivano Mugnaini, justement intitulé « Lo specchio di Leonardo », qui est justement centré sur la question du double, dans la mesure où dans cette biographie romancée de Léonard, Léonard rencontre son double, son sosie physique, et les deux échangent leur identité. Ce qui est aussi intéressant au-delà du texte, c'est la couverture même de ce roman qui renvoie en réalité à l'œuvre très fameuse de l'artiste américain Lillian Schwartz, un Mona Leo de 1987, qui poursuit en quelque sorte la question ouverte par Duchamp avec son LH au cul, dont il sera sans doute question tout à l'heure, et la question du genre, et qui, par des moyens informatiques, substitue le côté droit de la Joconde par le côté droit du célèbre autoportrait à la sanguine de Turin, faisant ainsi effectivement de la Joconde un double féminin de son créateur. Alors, cette interrogation postérieure sur le rapport de Léonard avec le miroir est d'autant plus justifiée que ce thème, ce motif du miroir, est absolument omniprésent dans la production à la fois littéraire, théorique, et artistique de Léonard. Alors pour ce qui concerne la création littéraire, on rappellera que le miroir est le protagoniste vaniteux de l'une des fables. Il est également le stratagème par lequel le chasseur parvient à piéger la tigresse et à s'emparer de ses rejetons dans le bestiaire. Il est aussi la solution à une devinette formulé dans l'une des prophéties. Il est aussi un comparant polémique qui est utilisé par Léonard, l'homo sensale, pour en effet se prévaloir en effet de l'expérience et critiquer effectivement les auteurs qui se contentent de citer d'autres auteurs. Il est également l'objet révélateur par lequel effectivement dans la traduction d'un passage du requin des métamorphoses d'Ovide, eh bien Hélène de Troie se rend consciente de sa sénescence. Et il est enfin le surnom qui est accolé à ce fameux Giovanni Tedesco che fa gli specchi, qui est évoqué dans une lettre de Léonard qu'il adresse à Giuliano dei Medici, et avec lequel effectivement il était en concurrence dans la fabrication des miroirs lors de son séjour romain. Pour ce qui est des écrits théoriques, bien évidemment le thème du miroir est central pour les écrits artistiques, nous allons y revenir largement, et il est aussi pour, je dirais, les écrits à la fois scientifiques et technologiques. Je vous ai mis ici une feuille avec effectivement la question de la fabrication des miroirs ardents. Vous avez notamment effectivement la meule qui permet de fabriquer ce miroir ardent, et ces miroirs ardents qui devaient être également utilisés pour la fabrication de fours à réverbères. Alors pourquoi j'insiste sur les miroirs ardents? Parce que les miroirs ardents en fait sont la solution à la prophétie que j'évoquais tout à l'heure, et également parce qu'ils réapparaissent dans l'allégorie au miroir solaire du Louvre, où un personnage tient un bouclier miroir dans lequel effectivement il reflète les rayons du soleil pour tenir à distance des bêtes sauvages qui peuvent s'apparenter en effet, disons, à des forces du mal. Ce dessin faisant bien évidemment référence à Ludovico il Moro à travers son symbole, son emblème qu'est le soleil embrasé. Également on les voit un petit peu, les mûriers qui bien sûr en italien se dit justement Gelso Moro. Pour la curiosité, j'ai mis ici un autre dessin qui est ce que Léonard appelle la camera di specchi, de forme octogonale, et qui était composée, qui devait être composé de 8 miroirs et au centre duquel effectivement le personnage pouvait, la personne pouvait se mirer et se voir selon 8 points de vue différents. Donc on voit effectivement la centralité du miroir dans la production littéraire, théorique et artistique de Léonard. Et je dirais que cette centralité s'accroît encore en quelque sorte si on veut bien faire du miroir à la fois effectivement, si on veut bien comprendre le miroir à la fois au sens propre, c'est-à-dire comme objet, mais également au sens figuré comme métaphore, métaphore de la création artistique, métaphore de la nature, métaphore de l'artiste, métaphore qui d'ailleurs dans les écrits de Léonard est tantôt implicite, tantôt explicite. Et de plus, il faut souligner que le paradigme du miroir constitue en réalité le paradigme de l'ensemble des surfaces réfléchissantes, et on évoquera tout à l'heure l'eau, l'œil et le rasoir dont il était question au tout début. Et si le miroir est fondamental, je dirais, dans la pensée de Léonard, il est peut-être également constitutif de la psyché même de Léonard, dans la mesure où Freud d'abord, Lacan ensuite, et puis tous les autres, ont insisté sur l'écriture des Léonards, de ce gaucher qui était Léonard, de l'écriture spéculaire, c'est-à-dire l'écriture en miroir, de droite à gauche, et par lequel Léonard s'adressait parfois à lui-même à la seconde personne. Donc on voit effectivement un miroir peut-être aussi constitutif de sa psyché. Alors dans le cas de cette intervention, c'est toutefois à ses écrits littéraires et à sa théorie artistique que nous nous limiterons. Et dans ces écrits, nous allons essayer en quelque sorte de traquer le motif du miroir dans la diversité de ses occurrences. Bon, je ne les citerai pas toutes, mais l'article de ce point de vue sera plus exhaustif. Dans la diversité de ses acceptions, dans la diversité des contextes, bien évidemment, dans lesquels le miroir est mentionné. Et surtout, j'allais dire, dans la radicale ambivalence du miroir chez Léonard. Et je crois que c'est vraiment le terme ambivalence qui est le terme clé ici. Et pourquoi étudier ce motif du miroir ? Eh bien, pour essayer de dénouer le nœud que constitue la conception léonardienne de la mimésis. En d'autres termes, on pourrait résumer le propos par la question suivante. Quels enseignements tirer concernant la conception léonardienne de la mimésis de ce paragone qu'il semble en effet mettre en place entre le miroir et la peinture ? Pour ce faire, notre réflexion se déroulera en trois temps. Premier temps, Léonard, l'antinarcisse, le refus de l'onipitole et d'Ipin Gessé. Où nous verrons que Léonard refuse en fait de faire de la peinture le miroir du peintre, il refuse l'automimésis dont il était les questions tout à l'heure, il refuse effectivement cette onipitole et d'Ipin Gessé. Pourquoi ? Parce que le peintre, en s'auto-représentant, eh bien, a tendance à transférer au personnage qu'il crée ses propres caractéristiques physiques et morales, et du coup, les figures, les personnages qui sont peints, eh bien, se ressemblent tous. Et c'est précisément effectivement ce manque de variété qui n'était pas du goût de Léonard. Et de ce point de vue, l'artiste peut faire un usage, j'allais dire, du miroir pour contrecarrer cette tendance naturelle à l'onipitole et d'Ipin Gessé, à condition d'en faire un usage non narcissique, c'est-à-dire un usage qui permet de mettre à distance soi-même son propre corps et, en quelque sorte, tourner le miroir vers la nature et vers sa variété. Alors, cela nous amènera au deuxième point, le miroir comme maître du peintre ou l'ambivalence de la peinture comme miroir de la nature, parce que cet idéal, effectivement, d'une peinture comme miroir de la nature, cet idéal d'un miroir comme maître du peintre. Alors si effectivement cela permet de contrecarrer à la tendance effectivement à l'auto-représentation et à la répétition et donc au manque de variété, eh bien en même temps il est évident que Léonard ne pouvait pas se satisfaire au plan théorique d'une conception aussi mécanique de la mimésis, ni d'ailleurs au plan artistique du simple rendu de la phénoménalité de la surface des êtres et des choses, puisque précisément pour Léonard la peinture est essentiellement causa mentale. Ce qui nous amènera du coup au troisième point, la peinture comme interprétation de la nature. La peinture est interprète de la nature, nous dit Léonard. Puisque on le verra, la peinture pour Léonard est science divine, elle est causa mentale, elle est surtout philosophie, une philosophie qui dépasse la surface pour explorer la profondeur et qui donne à voir effectivement l'invisible, donne à voir la visible, c'est-à-dire ce qui sous-tend en réalité la cause, qui sous-tend tout phénomène, toute chose visible, c'est-à-dire en fait le mouvement, qui est absolument fondamental pour Léonard et en quelque sorte le défi de la mimésis léonardienne, c'est précisément d'allier le miroir et le mouvement. Premier point donc, Léonard, l'antinarcisse, le refus de l'onipittore di Pingesse. Alors, dans le Libro di Pittura, il y a au moins 7 passages qui concernent ce que la critique a appelé automimesis ou autoportrait involontaire et que l'on évoquait à la Renaissance à travers l'adage onipittore di Pingesse. Cet adage devient un véritable topos de la littérature artistique au XVIe siècle, parfois entendu, je dirais, d'une manière positive, lorsqu'il est interprété de manière néoplatonicienne. Chez Léonard, en revanche, l'onipittore di Pingesse fait l'objet d'une condamnation très sévère, particulièrement sévère, et sur laquelle il faut s'interroger. Donc, vous avez ici le titre des différents textes. Alors, qu'est-ce que reproche effectivement Léonard à cette tendance à s'auto-représenter ? Eh bien, le peintre a tendance à s'auto-représenter et donc à former effectivement 10 figures qui ressemblent toutes entre elles, puisque effectivement elles ressemblent à leur créateur. Alors, pourquoi peut-on dire que la peinture réfléchit l'image du peintre ? Eh bien, parce que la peinture a tendance effectivement à répéter non seulement le physique du peintre, que ce soit en totalité ou en partie, mais également son habillement et également son intériorité psychique et morale, et partant les gestes, les mouvements et les attitudes qui en sont effectivement les manifestations, puisque les mouvements, comme on le sait chez Léonard, traduisent justement ce qu'il appelle i moti dell'animo. Cette répétition peut jouer à différents niveaux. Elle peut concerner deux figures qui sont à proximité l'une de l'autre. Elle peut concerner l'ensemble d'une composition, c'est-à-dire l'ensemble d'une historia, et elle peut même, je dirais, se rejouer à l'échelle de l'ensemble de l'œuvre peinte d'un artiste. Alors, la raison profonde, je dirais, pour laquelle Léonard critique tant l'onipittore di Pingesse, elle nous est donnée en réalité dans l'un des 7 paragraphes que j'ai cité, qu'on peut quand même lire pour donner un exemple. Sono difetti dei maestri, i quali usano replicare i medesimi moti nelle medesime storie vicine l'uno all'altro, e similmente le bellezze dei visi essere sempre una medesima, le quali in natura mai si trova essere replicate. Parce que condamne en réalité Léonard, alors dans un passage il va dire que lorsque le peintre se représente lui-même, eh bien, si ce peintre présente des défauts physiques, eh bien, nécessairement on introduit, je dirais, de la laideur artistique dans la représentation. Mais en fait c'est au-delà de ça, puisque là vous le voyez, il est même question de la répétitivité des bellezze dei visi. En fait, ce que Léonard condamne, c'est le manque de variété. En s'auto-représentant, on se répète, on répète les mêmes figures, on manque de variété, alors même que justement la nature se caractérise par essence, par sa variété, et comme la peinture doit être conforme à la nature, voilà. Et je dirais que de façon plus générale, la détestation de Léonard pour la répétitivité s'explique par une série, je dirais, de 3 raisons. On a d'abord des raisons qui sont liées au statut que Léonard entend conférer à la peinture. On l'a déjà un petit peu évoqué dans ce paragone, et que Léonard met en place non seulement avec la poésie mais également avec la sculpture. Il est clair que la peinture, nous dit-il, doit être universelle, le peintre doit être universel, il doit pouvoir tout représenter, et d'ailleurs, comme le disait Laura, à la différence de la sculpture, eh bien, le peintre doit pouvoir représenter les miroirs et simile cose lustranti, ce que ne peut pas faire en effet la sculpture. Et d'ailleurs, par rapport à la sculpture, la peinture est moins aisément reproductible, et donc elle lui est supérieure. Donc voilà ces raisons concernant, je dirais, le statut que Léonard veut accorder à la peinture. On a également des principes, je dirais, à la fois esthétiques et intellectuels qui expliquent cette détestation de Léonard pour le manque de variété, parce que cette paresse que traduit cette répétitivité en réalité est préjudiciable, non seulement pour le lettré mais également pour l'artiste. Alors pour le lettré, c'est le texte que je dont je parlais, Proemio, où effectivement de façon polémique il établit une différence entre les auteurs qui se contentent de citer d'autres auteurs et ceux qui ont recours à l'expérience, et il dit que la distance qui les sépare est semblable donc à celle dall'obietto fuori dello specchio, la similitudine dell'obietto apparente nello specchio, che l'uno per sé è qualcosa e l'altro è niente. Ce qui est valable du lettré est également valable pour l'artiste, hein, puisque l'artiste effectivement doit imiter la nature et ne doit pas chercher à imiter quelque autre maître. Et il précise dans un passage que je ne vous ai pas mis, hein, que c'est comme cela que Giotto et Masaccio ont réussi à sauver l'art, effectivement, de la décadence. Hein. Le peintre doit être non pas petit-fils de la nature, mais fils de la nature. Et la troisième raison, je dirais, fondamentale de cette détestation léonardienne de la répétitivité, c'est, et on le verra avec l'intervention de Madame Dubard, c'est le rapport problématique qu'il avait à la figure du père de famille. Hein, que les différents personnages d'une même toile ou de l'ensemble de l'œuvre peinte d'un artiste puissent avoir un air de famille devait lui apparaître comme particulièrement insupportable, puisque effectivement, hein, pour lui, en quelque sorte, le mauvais peintre, c'est le père. Hein, le père qui, on le verra avec l'intervention de Madame Dubard, le père qui se reproduit à l'identique à travers ses enfants. Hein. Et donc, de ce point de vue, la création artistique doit effectivement différer de la reproduction, humaine. Alors, que peut faire le peintre ? Eh bien, il doit faire un usage non narcissique, justement, du miroir. Alors, pour comprendre en quoi cela consiste, il faut revenir juste un instant sur le mécanisme même, hein, de l'onipitole et d'Ipingesse, que Léonard explique non pas en termes néoplatoniciens, mais en termes aristotéliciens. Alors, je vous résume le texte. Je n'ai malheureusement pas le temps de lire tous les textes que vous avez à l'écran. Donc, pour résumer les choses, l'âme crée le corps, hein, le corps du peintre. Et lorsque ce peintre va prendre le pinceau pour peindre, eh bien, il va être guidé par cette âme qui aura tendance à reproduire en réalité sa première création, c'est-à-dire le corps même de l'artiste. Et donc c'est pour ça effectivement que l'artiste a tendance à s'auto-représenter. Et c'est une tendance, j'allais dire, naturelle, contre laquelle il faut lutter, mais c'est une tendance naturelle, et qui explique d'ailleurs, vous le voyez dans la dernière phrase de la citation, que lorsque l'on tombe amoureux, eh bien, tendanciellement on tombe amoureux de personnes qui nous ressemblent, et que les enfants ressemblent effectivement à leur géniteur. Que peut faire le peintre ? Eh bien, il peut en quelque sorte jouer le jugement contre l'âme dont il était question, c'est-à-dire qu'il peut renforcer le jugement de façon à contrecarrer, hein, en quelque sorte, la tendance naturelle qu'a l'âme à s'auto-répéter. Et ce, de trois manières. Le peintre peut d'abord utiliser le miroir pour se mirer donc lui-même et prendre son propre corps en quelque sorte comme objet d'étude, hein, se mettre à distance, repérer les défauts physiques qui sont présents dans son corps et s'ingénier à ne pas les répéter dans ses peintures. On a également un deuxième procédé qui consiste à tourner le miroir non plus vers soi-même mais vers ses propres créations, hein, de façon en quelque sorte à mettre de la distance avec ses propres créations, à s'en déposséder et à pouvoir les juger mieux. Alors il y a d'autres procédés de mise à distance chez Léonard. On peut faire des pauses, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut s'éloigner, et on peut aussi, et ça Alberti le conseillait déjà dans le Di Pictura, on peut aussi effectivement faire passer ses propres œuvres, hein, ce qu'Alberti appelait le jugement, hein, le jugement du miroir. Et dans les deux cas, je dirais que il y en aura un troisième, et dans ces deux premiers cas, je dirais que le miroir est en quelque sorte l'équivalent réifié de la mise à distance. Hein. Et pourquoi ? Parce que le miroir, en réalité, inverse l'image, c'est-à-dire que la gauche devient la droite et que la droite, hein, devient la gauche, ce que Platon avait déjà remarqué et ce que Léonard démontre d'un point de vue scientifique. Enfin et surtout, le peintre peut tourner métaphoriquement son miroir vers la nature, c'est-à-dire en effet la regarder, hein, parce qu'il assimile effectivement l'œil au miroir, hein, l'œil qui est le miroir, hein, de la beauté de l'univers. Et donc l'œil va permettre effectivement d'imprimer en quelque sorte la variété de la nature dans le jugement de l'artiste, hein, ce jugement de l'artiste qui est effectivement a similitudine dello specchio, justement, hein, ce qui va permettre de contrecarrer cette tendance naturelle à l'automimésis. Chez Léonard, effectivement, le jugement et le miroir sont étroitement liés, et ce qui le montre, hein, c'est notamment effectivement la fable du rasoir, que l'on peut résumer très brièvement, hein, ce rasoir qui s'étant aperçu qu'il était aussi un miroir, c'est-à-dire capable de refléter la lumière du soleil, eh bien, imbu de lui-même, décide d'arrêter cette basse besogne qui consistait à tailler la barbe des paysans. Et à force de ne pas être usé, bien évidemment, il se rouille et il ne peut plus être utilisé ni comme miroir, ni comme rasoir. Et alors c'est un texte très dense, on pourrait dire beaucoup de choses, mais on se contentera de cela. Léonard, donc, dans sa morale, effectivement, fait une comparaison, établit une comparaison entre le miroir rouillé à force de ne pas être utilisé et le jugement qui s'émousse à force de ne pas être exercé, ce qui traduit bien effectivement ce lien entre jugement et miroir. Pour conclure sur ce point, et je vous promets de passer un tout petit peu plus rapidement sur les points suivants, je voudrais conclure sur, je dirais, l'ambivalence du miroir par rapport à cette question de l'automimésis. On voit bien, le miroir fonctionne véritablement comme un pharmacon, je dirais, c'est-à-dire qu'il est bénéfique au sens où, si on l'utilise bien, parce qu'il y a, comme dirait M. Descendre, un bon et un mauvais usage du miroir, si on l'utilise bien, c'est-à-dire de façon non narcissique, on peut mettre à distance soi-même, on peut mettre à distance ses propres créations, et lutter effectivement contre cette tendance à l'onipitole et dipingesse. Si, en revanche, on en fait un mauvais usage, il peut être néfaste, il se retourne en quelque sorte contre nous, et bien, on se contemple et on se représente soi-même, et par conséquent, nos figures sont toutes semblables les unes aux autres. Alors, pour creuser davantage cette thématique de l'ambivalence, je passe à mon point 2. Le miroir comme maître du peintre ou l'ambivalence de la peinture comme miroir de la nature. Donc pour l'instant, dans notre réflexion, on en est au moment où, pour contrecarrer cette tendance naturelle à l'autoportrait involontaire, eh bien, l'idéal brandit Léonard, c'est l'idéal en effet d'une peinture qui soit miroir de la nature, d'un peintre qui, comme il le dit, doit être maître, d'un miroir pardon, qui doit être maître du peintre. Il faut bien comprendre que Léonard établit une véritable équivalence entre la surface du miroir et la surface de la peinture, au point de faire en quelque sorte du miroir une métaphore en réalité de la nature. Donc dans ce texte, il va dire que les deux surfaces, donc celle du miroir, celle de la peinture, sont comparables parce que dans les deux cas, on a en deux dimensions finalement le rendu de quelque chose qui est en relief, en trois dimensions dans la nature, justement par un jeu d'ombre et de lumière. Et donc, une première utilisation qui pourrait être celle du miroir, eh bien, consisterait effectivement à prendre pour modèle non pas directement la nature, mais le reflet de cette nature dans le miroir. Reflet, effectivement, que Léonard qualifie assez paradoxalement de « vera pittura ». Donc, la vraie peinture, c'est le reflet de cette nature dans le miroir. Une deuxième utilisation, et on le voit à travers cette citation du miroir, eh bien, c'est de corriger sa propre œuvre. Alors, non pas comme tout à l'heure, en la tournant vers sa propre œuvre, mais en la tournant vers la nature. C'est-à-dire qu'on va comparer la surface de la toile à la surface, effectivement, au reflet de cette nature dans le miroir. On compare les deux et on peut effectivement corriger les défauts de son œuvre. Bien évidemment, Léonard ne pouvait pas se satisfaire de cette définition de la peinture comme miroir de la nature, parce que c'est une définition qui est profondément ambivalente, et ce qui nous montre bien, c'est l'ambivalence même, en réalité, du motif du miroir. Ambivalence qu'il explore notamment au niveau, je dirais, moral et ontologique, mais que l'on pourrait très bien transposer, justement, au domaine pictural. Alors, on va prendre ici l'exemple du bestiaire, donc effectivement, de cet usage que fait le chasseur du miroir, qui utilise la ruse, qui utilise effectivement le miroir comme d'un stratagème, d'un auxiliaire, qui lui permet de tromper la tigresse et de s'emparer de ses rejetons. Alors, bien évidemment, ici, on voit que le miroir est véritablement un pharmacon. Il est bénéfique pour le chasseur, bien sûr, mais il est maléfique, je dirais, pour la tigresse. Et on a surtout, effectivement, cette association du miroir à cette idée traditionnelle de tromperie, dont ont été victimes, bien évidemment, de célèbres figures mythologiques magique, Méduse, bien sûr, Narcisse, sur lequel il faudra revenir, et même Dionysos, hein, qui a été démembré par les titans au moment même où il se mirait dans le miroir. Et puis surtout, on a effectivement l'évocation, je dirais, de l'inconsistance ontologique, hein, du reflet du miroir. Puisqu'on se souvient que Platon utilisait même justement cette métaphore du miroir pour évoquer les arts mimétiques, hein, dont il disait qu'ils étaient éloignés de 3 degrés, hein, par rapport au monde des idées, au monde des essences. Hein. Donc les arts mimétiques, ce sont les copies de ce qui est déjà une copie, c'est-à-dire en fait la nature. Cette inconsistance ontologique chez Léonard frappe non seulement le reflet du miroir, mais j'allais dire l'objet même du miroir. Hein. On a ici cette fable, hein, donc du miroir qui s'enorgueillit, si j'ose dire, de l'image qu'il reflète, hein, de cette reine, mais bien évidemment, lorsque la reine part, eh bien, il n'y a plus rien dans le... plus rien n'est reflété. Et puisque l'on est toujours, je dirais, sur Pline, je voudrais évoquer un passage qui est tiré du Vulgarizzamento de l'histoire naturelle par Landino, dont il a été question, de 1476, que possédait Léonard, qui était très important pour Léonard. Landino, d'ailleurs, qui a largement contribué à la diffusion de la métaphore du miroir, et qui dit dans sa préface, et on voit quand même l'écho à Platon, vous pouvez lire la citation, eh bien, qu'il s'agit effectivement de regarder dans l'univers, hein, comme nel quale universo come nitidissimo specchio, mais pourquoi faire? Eh bien, pour remonter, vous le voyez, come di grado in grado, hein, pour remonter de degré en degré, on évoquait tout à l'heure les 3 degrés, de remonter de degré en degré, et de remonter d'où à où, eh bien, des effets à la cause et des choses invisibles, et des choses visibles aux choses invisibles. Et je dirais que ces considérations philosophiques, morales, etc., dérivées de Pline et de ce texte de Landino, peuvent très bien s'appliquer en réalité à la peinture, hein, puisque la peinture, effectivement, pour Léonard, est essentiellement non pas copie en réalité, mais interprétation, hein, bien évidemment, de la nature. Ce qui m'amène donc à mon troisième point, la peinture comme interprétation de la nature. Ce terme est utilisé par Léonard lui-même. Parce que ce miroir, effectivement, s'il est une étape de la création artistique, s'il est une étape peut-être même de l'apprentissage du peintre, il ne doit pas en constituer une limite. Pour le dire brièvement, s'il faut en passer par le miroir, il faut aussi savoir le dépasser, hein, dépasser ce qu'on pourrait appeler, en paraphrasant Lacan dans un autre contexte, le stade du miroir. Et si l'on veut conserver le paradigme du miroir pour évoquer la mimésis léonardienne, peut-être qu'il faudrait se tourner vers le miroir déformant, ou plutôt vers l'eau. L'eau dont on sait très bien qu'elle a toujours fasciné Léonard. Et pourquoi l'eau? Eh bien, parce qu'elle a une profondeur et parce qu'elle est animée de mouvements. Alors pourquoi est-ce que je dis que le paradigme du miroir plat ou plan est insuffisant? Eh bien, c'est parce que, nous dit Léonard, hein, le miroir effectivement reflète senza ragione. Hein, c'est-à-dire que le reflet du miroir, hein, le miroir, c'est une reproduction mécanique, c'est une reproduction passive. Alors que effectivement, le peintre, lui, peut sélectionner. Et d'ailleurs, hein, donc c'est toute la doctrine de l'électio que l'on oppose effectivement à la simple imitatio, hein, le peintre peut et doit sélectionner, nous dit Léonard, hein, par exemple dans ce texte que nous citions tout à l'heure, « Facendo un fascio di varie cose, elette e scelte, infra le men buone ». Donc ce petit exemple nous montre bien, si on voulait jouer un petit peu sur les mots, que si la peinture est miroir, speculum, elle est aussi, je dirais, spéculation. Que si la peinture est reflet de la nature, elle est aussi réflexion au sens intellectuel. En d'autres termes, que si la peinture est imitation, elle est aussi interprétation. Et de ce point de vue, et désolé, je vais répéter un peu ce qu'avait déjà évoqué Anna Skontz par rapport à Alberti, à la figure de Narcisse, disons que s'instaure à ce moment-là un dialogue, je dirais, entre Léonard et Alberti, hein, qui, pour être original, a toujours besoin de penser contre, notamment contre le Alberti qui fait de Narcisse, hein, l'inventeur de la peinture. Hein. La peinture est-elle autre chose que l'art d'embrasser ainsi la surface d'une fontaine ? Alors pourquoi est-ce que cela ne plaisait pas effectivement à Léona? Bon, il faut savoir que chez Alberti, les choses sont quand même un peu plus compliquées. La peinture ne se contente pas d'embrasser les surfaces. Mais disons que ce qui ne plaisait pas sans doute dans cette définition à Léonard, eh bien, c'est déjà l'idée d'une peinture narcissique, solipsiste, hein, ça on l'a déjà dit, et également l'idée effectivement d'une peinture qui ne cherche qu'à rendre, je dirais, la phénoménalité, la surface hein, des êtres et des choses. En fait, il n'évoque pas la figure de Narcisse directement, à Léonard, mais on voit qu'il se réfère à Alberti parce qu'il utilise au moins par deux fois l'expression « abbracciare le superfici ». Et le peintre, effectivement, ne doit pas s'arrêter à la surface des choses, mais doit également explorer la profondeur des choses. Et de ce point de vue-là, la peinture est philosophique. Donc ça, c'est la définition, j'allais dire, tonitruante de la peinture que donne Léonard. La peinture est philosophique, on le voit ici. Hein, donc la pittura è filosofia. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, elle explore la profondeur, elle met en exergue les causes qui sont invisibles et elle fait coïncider effectivement représentation et connaissance. Ailleurs, effectivement, Léonard, dans un autre passage, dira que la peinture est science divine. Il parle en effet de la deità, de la scienza del pittore. Alors, sur cette question de la profondeur, on peut simplement donner un exemple qui est dans le texte au programme de l'agrégation, qui est la question de l'anatomie. Pour représenter la surface des corps, il faut savoir effectivement en explorer la profondeur, malgré le dégoût que cela inspire, et un petit peu, effectivement, comme cette caverne dans laquelle, effectivement, Léonard s'imagine en train d'entrer, mu à la fois par le désir et par la peur. Et que doit révéler effectivement le miroir du peintre? Que doit révéler le peintre? Eh bien, il doit être le révélateur, parfois d'ailleurs cruel, hein, parce qu'il montre des choses invisibles et puis des choses que parfois on n'aimerait pas voir. Eh bien, il doit montrer, je dirais, ce qui sous-tend tout phénomène, ce qui sous-tend la surface de tout être et de toute chose, c'est-à-dire en réalité le mouvement. Il doit être un petit peu à l'image du miroir, effectivement, dans lequel se mire Hélène de Troie. Révélateur, hein, donc ce miroir dans cette traduction que fait Léonard du livre 15 des Métamorphoses d'Ovide, Hélène se mire et devient ainsi conscient de sa sénescence et du temps qui passe, hein, et du temps qui passe. Et je souligne d'ailleurs que de ce passage peuvent être considérés en quelque sorte comme tributaires hein, les nombreuses représentations de vieillardes et de vieillards que l'on retrouve dans les dessins de Léonard. Et parfois il les met d'ailleurs, je dirais, de profil. Il met un jeune et un vieux, je dirais, face à face en miroir justement avec un vieux qui en quelque sorte le miroir déformant du jeune, pour souligner justement la continuité entre la jeunesse et la vieillesse, la vie et la mort, qui, comme on le sait, dans la pensée de Léonard, sont absolument inextricablement liés. Donc on le voit, hein, le miroir effectivement du peintre, c'est un miroir qui n'est pas figé, hein, c'est un miroir effectivement qui arrive également à intégrer le mouvement, et vous avez là un passage assez amusant du Libro di Pittura, où effectivement le miroir devient en fait un objet de coquetterie par le lequel les gens, eh bien, ceux par lesquels on fixe effectivement ses cheveux, alors même que ce qui est naturel, c'est le mouvement des cheveux animé par le vent, et c'est effectivement ce mouvement-là qu'il faut rendre dans la peinture. Hein. Donc on voit effectivement hein, ce lien entre miroir et fixité, et bien évidemment, hein, l'idée, la quadrature du cercle hein, pour Léonard consiste précisément à concilier le mouvement et le miroir. Très rapidement, je dirais que ce mouvement est également, je dirais, à l'œuvre dans la genèse même hein, de l'œuvre, puisqu'il part en effet, bon, j'ai mis celui-là, j'en aurais pu mettre d'autres, hein, il parle effectivement de componimenti inculti, hein, d'une espèce de confusion, dans laquelle effectivement l'œil et le mouvement de la main de l'artiste arrivent effectivement à trouver une forme, hein, de cette informe, il arrive à trouver une forme, qu'il délimite de façon précise, et qu'ensuite il va à nouveau, je dirais, quand on va passer du dessin à la peinture, qu'il va à nouveau estomper, grâce justement au sfumato que tu évoquais, qui permet justement de supprimer le contour et surtout de supprimer la fixité en réalité du contour et donc d'animer, de donner à voir effectivement ce mouvement qui est présent partout mais jamais localisable, qui est invisible mais qui est fondamental. Enfin, dernier point, Si la peinture est miroir, donc on l'a dit, hein, c'est un miroir qui n'est pas mécanique, c'est un miroir qui est actif, c'est un miroir qui ne se contente pas de la surface mais qui explore la profondeur, c'est un miroir qui donne à voir l'invisible, c'est-à-dire le mouvement, et c'est aussi un miroir, je dirais, magique en quelque sorte, au sens où le peintre, effectivement, excusez-moi, le peintre est capable de représenter ce qui est présent dans l'univers, tout ce qui est présent dans l'univers, non seulement per essenza, per presenza, mais également per immaginazione. C'est-à-dire que le peintre représente également ce qui est dans son esprit, c'est-à-dire représente l'idée artistique. Et de ce point de vue-là, effectivement, la création artistique se rapproche en effet de la création divine. Alors, pour ne pas excéder de trop le temps qui m'est imparti, je voudrais simplement en conclusion souligner peut-être un double paradoxe sur lequel on pourrait éventuellement méditer, hein, originalité et répétition. C'est-à-dire que ce qui est en quelque sorte tragique chez Léonard, c'est ce décalage qui existe entre sa théorie artistique et sa pratique. Puisque donc, d'un côté, effectivement, Léonard dit qu'il faut reproduire la nature, bon, sans la copier, mais en ne se répétant pas soi-même et en ne se représentant pas soi-même. Bon. Mais on sait très bien effectivement que Léonard n'a eu de cesse en réalité de se répéter. On voit les mêmes types ou les mêmes stéréotypes qui reviennent tout le temps de peinture en peinture, les mêmes personnages, les mêmes paysages, les mêmes postures, les mêmes motifs, les mêmes habits. Bon. Et d'ailleurs, cela n'avait pas échappé à ses contemporains, puisqu'on a effectivement ce peintre milanais, Visconti, qui avait vu effectivement probablement Il Cenacolo et dit justement, effectivement, fait remarquer cette répétitivité de Léonard. Et le deuxième, je dirais, paradoxe que je voudrais simplement souligner avant de... d'ouvrir éventuellement le débat, le fait effectivement que Léonard, qui voulait être si original, et d'ailleurs on le voit très bien dans la vie de Vasari, eh bien finalement a été également beaucoup imité par ces peintres que l'on appelle en effet les léonardesques. Et il peut venir effectivement à l'esprit, de ce point de vue-là, la figure d'Écho, puisqu'on parlait de Narcisse tout à l'heure, hein, la figure d'Écho. Il faut savoir que Léonard, effectivement, dans ses écrits, lit bien évidemment l'écho et le reflet. Hein, l'écho est le pendant sonore, effectivement, du reflet au niveau visuel. Écho, on le sait, au moins depuis Bogas, hein, constitue l'emblème, effectivement, de la renommée. Hein, comme si, en quelque sorte, eh bien, la rançon que devait payer le génie, c'était précisément... Hein, celui effectivement d'être répété par les générations qui le suivent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouvrir quelques minutes de débat. J'invite donc les autres orateurs de la matinée à nous rejoindre à la table. Et voilà. Et de toute façon, vu la température ambiante et les intempéries, personne n'a envie, je crois, de ressortir maintenant. Donc on va profiter déloyalement, hein, de ces conditions climatiques. Moi, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais déjà, je voudrais vous remercier parce que c'était une très belle matinée, vraiment très, très belle. Et je dirais que j'aurai des questions pour tout le monde. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Alors, des questions, à mon avis, assez béotiennes, si je puis dire. Et j'ai envie de commencer par Romain, parce que naïvement, si tu m'as surprise, parce que je pensais que tu allais parler aussi de Valtourion et Léonard d'un point de vue militaire. C'était quand même assez déroutant que Valtourion soit évoqué comme peut-être un maître sur le plan lexical ou sur le plan intellectuel. Hein, c'est ce que tu as commencé à démontrer ou en tout cas à poser. Mais alors, du coup, j'ai un tout petit peu envie quand même de te demander, est-ce qu'il y a un lien entre Valtourion et Léonard du point de vue de sa réflexion militaire? Est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que Léonard est aussi, on le sait, un ingénieur militaire, un homme de guerre, C'est vrai, il y a une véritable activité. Et puis, il y a toutes ces fantastiqueries militaires qui semblent vraiment s'inscrire dans la continuité de Valtougne. Est-ce que finalement, cet aspect-là est bien connu, donc ne t'a pas intéressé à ce titre, ou dans quelle mesure il peut y avoir un lien, on va dire, avec ce que tu nous as proposé, qui était infiniment plus original? Merci. Juste deux choses. Non, il aurait fallu une heure et demie et pas une demie. Mais non, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que oui, Léonard était un ingénieur militaire, Valtougne ne l'était pas, justement. Et pour son. Aussi bien pour ses travaux d'ingénierie les plus sérieux, mais aussi pour ce que tu appelles ses fantastiqueries, Valtougne est fondamental, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il repart aussi bien dans le... Alors, ça se voit tout particulièrement dans le manuscrit B. Énormément d'inventions militaires, terrestres, navales, et de type d'armes, voire de nouvelles... nouveaux types d'artillerie tout à fait fantastiques, ont leur source, justement... chez Valtougne. Et lui, il brode par rapport à ça, et il en fait quelque chose de très particulier et tout à fait léonardien, hein, sans aucun doute. Mais c'est pour ça que je parlais. Mon idée, à force de regarder les deux ensemble, à force de regarder Valtougne Ramusio d'un côté et le manuscrit B et le Trivulziano, et d'avoir lu Marinoni, je me suis dit que la dérivation, en fait, c'est une métaphore. Alors, c'est une métaphore de l'intertextualité, qui est évidemment un concept qui n'existait pas à l'époque, et de l'interpicturalité. Voilà. C'est ça que, c'est-à-dire qu'il il actualise énormément. Alors, en allant lui aussi dans un sens qui est parfois tout à fait fantastique, mais parfois qui s'appuie sur des études de balistique extrêmement sérieuses, etc. Hein, il va dans les deux ne s'opposent pas chez Léonard. Voilà. Et évidemment, oui, ça va jusque. C'est ce que je voulais commencer à suggérer sur ces histoires de boulets et d'autres types d'armes qu'il reprend, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas non plus là-dessus que je voulais. C'est pas ça dont je voulais parler le plus, parce que c'était plus de quelque chose qui n'est pas original pour le coup, hein, je le revendique pas du tout. C'est-à-dire l'importance lexicale et littéraire de Valtougne pour Léonard, c'est vraiment ce qu'a démontré Marinoni, donc il y a bien longtemps. Et d'ailleurs, j'incite les étudiants à reprendre ce texte-là, parce qu'il y a quelques chapitres centraux où il y a des études stylistiques. Des textes à la fois linguistiques et stylistiques des textes de Léonard qui sont absolument extraordinaires, et dont il montre à quel point elles proviennent d'un travail très très très très concret et assidu sur les vocaboli latini d'une part, et sur la syntaxe latine, qui est la syntaxe y compris du Valtougne vulgarisé. Ça marche. Merci Romain pour cette très belle présentation. J'ai apprécié beaucoup ton analyse sur les aspects lexicaux en ce qui concerne la valeur de Valtougne. Quelle est ton opinion sur la possible identité de celui qui a pu mettre en connexion Léonard avec cette source? C'est-à-dire, on sait qu'il y avait à Milan des magistri armorum très appréciés, Beltramo de Stucchis, Pietro Sola. L'un des deux était le maître d'armes de Ludovico il Moro lui-même. On sait de la liaison du rapport avec Pietro Monti, directement documenté plus tard dans les manuscrits de Léonard. On sait par l'Omazzo que Léonard aurait réalisé un manuscrit d'art militaire pour Gentile de Borri, qui est aujourd'hui malheureusement perdu. Et donc il y a beaucoup de personnages sur la scène milanaise de la fin du XVe siècle qui auront pu mettre Léonard en connexion directe en l'introduisant à la lecture d'un texte qui est devenu fondamental pour lui. Quelle est ton opinion sur le nœud concret, le nœud biographique qui a pu justifier dans le parcours de Léonard la connaissance des rêves militaires de Valturio? J'en ai aucune, ça va être très rapide. Et parce que je comptais justement te le demander à toi, je sais très bien que toi tu as des hypothèses tout à fait. On partage la même curiosité, voilà. Inachevée. Mais, et... Non, j'ai pas du tout la connaissance pour le coup des liens les plus concrets qui ont pu l'amener à ce texte. Je pense que tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut chercher. Alors, par ailleurs, ce que je me dis aussi, c'est que sachant à quel point ce texte était connu avant même qu'il soit imprimé, oui, en 72, sachant que Léonard s'y intéresse sans doute au plus tôt, une fois qu'il est à Milan, ou en tout cas en lien avec son offre de service à Milan, j'imagine qu'il pouvait même ne pas avoir besoin d'avoir quelqu'un de précis pour lui montrer, qu'il l'aurait trouvé tout seul. D'autant plus, enfin, les dates, en plus, le fait que ça faisait déjà 10 ans qu'il y avait la Princeps et que en 83. Les deux se publient. Il avait déjà l'édition. Que pour une fois, un traité à dimension humaniste paraît en même temps en latin et en italien, ça fait quand même beaucoup de raisons. Et évidemment, son objet, l'art de la guerre, alors qu'il est quand même à Milan, aussi, et beaucoup pour ça, quoi. Mais non, il n'y a pas besoin de supposer l'existence d'une. D'un personnage particulier pour justifier cette connaissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de le supposer. Je dis que. Enfin, si, oui, on peut dire comme ça. Il n'y a pas besoin. Il me semble que ça, son rapport au livre et sa recherche des livres a été rapidement tellement fort. Immédiat. Que un livre imprimé aussi singulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Un an après son arrivée à Milan, et donc un livre en plus illustré de cette manière-là. Oui. Il avait une vraie prédilection pour tout ce qui était aussi bien manuscrit que illustré. C'est ça. Voilà. Mais, il n'empêche que le lien avec le milieu des spécialistes de la guerre à Milan a dû être évidemment décisif. Ouais. Je suis d'accord. C'est moi qui pose les questions. Anna. En fait, alors une question qui peut paraître un tout petit peu provocante, mais qui ne l'est pas, hein, et qui tient plus finalement à mon ignorance de Léon-Baptiste Alberti. Mais j'avais le sentiment que, au fond, les liens entre Léonard et Léon-Baptiste Alberti, en particulier avec des pictures, hein, étaient bien connus, on va dire. Donc j'ai envie de te demander pourquoi tu travailles là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau, ou quels sont, on va dire, les acquis récents, parce que, alors c'est une question, on va dire, un tout petit peu tendancieuse. Effectivement, moi, dans cet après-midi, je vais parler un tout petit peu des libri della famiglia, hein. Et effectivement, il me semble qu'il y a des choses quand même très très intéressantes à mettre en évidence. Le lien Léonard et Léon-Baptiste Alberti, enfin je sais pas comment l'appeler, le duel entre les deux, c'est une relation fondamentale. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, on n'a pas tellement prospecté il hybride à la famille, alors que le De Pictura, ça semble acquis, effectivement, la dette, le fait que, je crois qu'Olivier l'a redit, Léonard est une source. Donc pourquoi continuer, on va dire, à travailler sur ce... Ou pardon. Je te remercie pour la remarque sur laquelle je me suis moi-même interrogée. Il fallait que je commence de quelque part. Et donc, j'ai voulu commencer par effectivement des choses plus connues, parce que c'est quand même en étape essentielle pour Léonard, bien que ces livres en forme manuscrite ne figurent pas dans sa bibliothèque. C'est évident, c'est nécessaire pour lui de s'y confronter pour devenir un auteur. C'est le début pour moi d'une recherche plus approfondie sur les corpus entiers de la production d'Alberti. Et donc voilà, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'idées fondamentales qui se reprennent et qui s'opposent et qu'on connaissait en grande partie. Pour moi, ça a été très stimulant de relire d'aussi près le De Pictura. Voilà, je me tiens à ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas ajouter. Léonard cite quand même Léon-Baptiste Alberti. Enfin, on sait que ses ouvrages figuraient dans sa bibliothèque, oui. Mais est-ce qu'il le cite nommément? Oui, il le cite, mais surtout pour les Ludi Mathematici, les livres sur l'architecture, etc. Donc, là, c'est des navi, etc. Donc, c'est... Alors, io una domanda da rivolgere a lei. Lei ha fatto nel suo intervento, parlava di Calvino e come nelle lezioni americane l'ultimo testo licenziato, neanche licenziato da Calvino, ritornino delle consonanze con l'opera di Leonardo. A me venivano in mente quando, parlando adesso di arte militare, ma quando da ragazzino si leggeva il Visconte di Mezzato, allora c'era questo artigiano che creava tutte queste macchine per infliggere nella maniera migliore possibile delle, non tanto delle torture, ma delle morti. E mi chiedevo fino a che punto, secondo lei, Leonardo ritorna nelle macchinazioni letterarie di Calvino, se è una domanda che trovo lecita. Non so, probabilmente è la migliore persona per rispondere a questa domanda, nel senso che per quanto riguarda gli aspetti che ho trattato oggi, il capitolo dell'esattezza, effettivamente le consonanze ci sono, ed è chiaro che è uno degli artisti, degli scrittori contemporanei che ha forse meglio compreso la logica dell'esattezza in Leonardo, e questa associazione dell'esattezza al termine di vaghezza, che, come sottolinea Calvino, per lui, per già nel Rinascimento, vago significa in qualche modo di per sé già bello, quindi l'associazione della bellezza alla vaghezza, che per Leonardo è anche una questione di esattezza. Però per tutto quanto riguarda gli altri scritti di Calvino globalmente, io penso che lo conoscesse molto bene, perché vedo da questo che ho potuto studiare per quanto riguarda questa comunicazione, credo che Calvino lo conoscesse molto bene, Leonardo, da un punto di vista della sua teoria. però non l'ho ovviamente affrontato come discorso rispetto all'insieme della sua produzione letteraria. Sicuramente è un soggetto che sarebbe molto interessante da sviluppare. La ringrazio. Può aspettare solo un secondo, c'è una mano levata. Grazie. Forse anche rispetto all'idea delle città invisibili, che sono anche citate nel capitolo dell'esattezza, c'è sicuramente un legame molto più profondo. Par rapport justement à la question du miroir, on a une prophétie hein, avec l'idée effectivement que les reflets, hein, les reflets dans l'eau. Enfin, moi aussi, j'avais pensé justement à Calvin à ce moment-là. Ouais. Alors, je voulais d'abord remercier Romain pour sa proposition critique concernant la notion de dérivation. Parce que je trouve qu'elle est vraiment féconde pour s'interroger sur la manière dont Léonard lit, réécrit, transcrit et réécrit les textes d'autrui, pas seulement les textes littéraires d'ailleurs. Et, parce qu'on a un peu tendance à appliquer de manière mécanique la notion d'imitation. Mais effectivement... on peut considérer que Léonard reste un peu à l'écart de cette théorisation-là et que ses pratiques dans le domaine de ce que nous appelons aujourd'hui l'intertextualité échappent largement à cette poétique de l'imitation humaniste. Disons. Et effectivement, je trouve qu'il y a dans ces manuscrits plusieurs exemples, en plus de ceux que tu nous proposais, d'une sorte de continuité impossible vraiment à trancher entre... La copie, la transcription, la réécriture et l'invention de l'écriture. Et je trouve que les fables sont à ce titre l'exemple le plus évident, le plus éloquent dans le domaine littéraire. Et je voulais à ce sujet poser une question à Laura Di Fuccia qui concerne les médiations possibles entre Léonard et le corpus ésopien. Puisque, comme on le sait, Ésope n'est qu'un nom à cette époque et qu'il circule sous un tas de formes différentes. La plupart des versions que Léonard pouvait connaître étaient en fait des traductions en langue vernaculaire d'une traduction latine, celle de Walter d'Angleterre, et qui comportait elle-même souvent des stratégies de réécriture assez importantes, des ajouts. Les ajouts les plus connus concernent la partie de la moralité finale, évidemment. Mais on peut remarquer, si on compare les différentes versions toscanes, ne serait-ce que toscanes de l'Ésope, que des ajouts se font aussi dans les parties descriptives. Et donc, il serait intéressant peut-être d'étudier un peu les versions toscanes antécédentes à Léonard pour voir s'il y a des traces d'un travail qui annonce le sien, disons. Et concernant il dipinto par Paglione vagabond, hein, j'ai trouvé très, très suggestive cette référence que vous avez proposée à Alberti. Et en même temps, je m'interroge sur la valeur de cet adjectif qui sonne à mes oreilles un peu dantesque, disons. Je trouve que ça fait partie de ces traits de style qui ne sont pas très, très fréquents, mais qui existent dans la prose de Léonard, où on peut percevoir une sorte d'énergie expressive qui tient un peu du modèle de Dante, donc dipinto au sens de coloré, tout simplement. Voilà, je m'arrête là. Oui. Oui, je me suis posé la question. C'est sûr que c'est peut-être pas forcément... C'est une idée, qu'il puisse avoir lu les Intercennalia ou qu'il ait pu connaître... peut-être cette fable, qui est quand même d'une certaine puissance et d'une originalité telle que, en fait, une fois qu'on l'a connue, on a peut-être tendance à la remployer d'une manière peut-être distante. Et j'avais un peu regardé, du coup, la récurrence du terme dipinto dans les fables, et c'est vrai que c'est surtout dans cette fable que, qu'on le retrouve, mais ça ne, c'est vrai, ça, ne peut, ça peut être aussi une référence casuelle, peut-être. J'y crois un petit peu, parce que l'idée de la, il y a trop de significations qui se superposent, l'idée de la, du désengagement, l'idée de l'écriture aussi de la fable comme quelque chose d'un peu différent de l'écriture des traités, l'idée de les, voilà, il y a plus l'idée de l'artiste créateur, c'est un peu des lieux communs qui pouvaient en fait s'y retrouver. Mais voilà, ça reste une question ouverte que je vous laisse étudier. Allora, una domanda ad Anna. Se non ho capito male, hai accennato al fatto che, a differenza di Alberti, Leonardo non predilige i temi iconografici classici. Ecco, però un nodo, per tornare al tema dell'intreccio e del groppo anche tematico, ideale, che stringe Leonardo ad Alberti è la calunnia. La calunnia, possibilmente per come descritta nel Di Pittura, ma siccome Leonardo possedeva un lucano, che nella lettura fonetica alla toscana, secondo Pietro Marani, sarebbe invece un luciano, potrebbe essere proprio il libello che appunto l'autore latino aveva scritto sulla leggendaria pittura allegorica di Apelle. Riflettendo su questo cimento di Leonardo di in qualche modo avallare una equiparazione della sua stessa immagine, non soltanto di pittore ma anche di intellettuale, a Milano, alla statura del pittore greco, per cui di Milano, di Firenze, una pelle qui vi è condotto, diceva Francesco Tanzi introducendo le rime di Bellincioni, che è la prima menzione a stampa nel 1493 del nome di Leonardo, sicché esisteva un binomio Leonardo a pelle che o viene dalla conoscenza di Luciano, o possibilmente suggerito proprio da Alberti, dalla lettura di Alberti, dalla conoscenza così approfondita, come è stato detto, non soltanto del Di Pittura, ma anche di altri testi albertiani. E il tema della calunnia a me interessa molto per la sua iconografia allegorica, però insomma esistono anche temi, tu giustamente potresti obiettarmi, resta teoria mai messa in pratica quella di ridipingere, ricreare la calunnia da parte di Leonardo, però sappiamo che per esempio il Quos Ego virgiliano ha ispirato il Nettuno per Antonio Segni, di cui c'era un cartone ma sopravvive il bellissimo disegno di Windsor, sappiamo che per il diluvio, tema che occupa gli ultimi anni di vita di Leonardo, esiste la fonte delle Metamorfosi di Ovidio, quindi la tempesta fomentata da Eolo col concorso di Nettuno, che trova precisi riferimenti proprio di iconografia classicistica in almeno uno dei disegni della serie di Windsor, in cui troviamo le divinità dei venti che con il loro prodigioso fiato fomentano l'uragano. Quindi Leonardo, così attento ai dettami albertiani sulla pittura di storia, non credo che però abbia poi disconosciuto il valore normativo, oserei dire, anche quando si possa intervenire su di esso per modificarlo, per renderlo pienamente moderno, però dei temi classici dell'iconografia antica. Ecco, mi piacerebbe conoscere la tua opinione al riguardo. Sì, allora, grazie dell'osservazione. Ovviamente non ne ho parlato perché mi sembrava... ho sbagliato probabilmente a farlo, ma mi sembrava fosse già noto il tema, proprio perché Zubov si sofferma su questo confronto specifico e probabilmente dobbiamo... Allora, Leonardo in una frase molto succinta scrive appunto a proposito del paragone e porrà dire un poeta: io farò una finzione, che significa cosa grande, questo medesimo farà il pittore, come fece a pelle la calunnia. Quindi è chiaro che la descrizione di Alberti gli è molto presente, gli torna in mente come esempio di grande pittura. Allo stesso modo, questa descrizione letteraria parla di una pittura in, ai suoi tempi, sotto i suoi occhi, probabilmente il dipinto di Botticelli, della Calunnia di Botticelli, è un esempio non secondario. Sicuramente, sicuramente la fonte albertiana gli è presente ed è uno scoglio e un metro di misura per Leonardo. Non avevo intenzione di dire che Leonardo elimina a priori tutto il bagaglio mitologico No, ma non era mia intenzione, semplicemente non è questa la Sì. Je voulais poser une question. Ça marche ? Oui. Et je voulais poser une question à Laure. Je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé votre intervention, que j'ai trouvé une lecture, enfin, si je puis me permettre, très rafraîchissante. C'est-à-dire pour nous qui sommes plutôt des lettrés, qui donc, avons lu ces textes un peu différemment, et votre sensibilité au paysage et la préséance que vous donniez au paysage était très, enfin, pour moi, très dépaysante, pour le coup. Et troublante en même temps, parce que si je repense à la fable de la boule de neige, hein, que vous avez, je vous dis, magistralement analysée, et en même temps, on avait le sentiment, faisant presque abstraction de la fable, qui relate quand même un suicide. D'ailleurs, entre nous, Il Farfalion, c'est aussi un peu de cet ordre-là, avec la boule de neige est un tout petit peu plus euphorique, puisqu'elle parvient par son intelligence, quelque part, à retarder une issue qui serait de toute manière fatale, mais inévitable. Mais alors, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est ce décalage donc, entre ce paysage que vous analysez et dont on a le sentiment qu'il obéit aussi à des préoccupations picturales, ces analyses là sur la question de la blancheur, le rendu de la neige aussi, hein, et le sens quand même, la morale de la fable qui dans certains cas est assez explicite et du coup qui me faisait quand même penser, alors je trouve vraiment très intéressant cette manière dont vous avez mis en avant les paysages dans les textes de Léonard et du coup on pense aux paysages dans les tableaux Léonard qui sont quelque part plus évidents mais dont le lien entre le sujet n'est pas non plus toujours évident, donc je voulais savoir si... C'est peut-être, je ne sais pas si j'ai assez du coup développé cette partie, c'est l'idée que ce soit, j'ai l'impression, ou en tout cas comme je le vois, que ces motifs de description de paysage soient utilisés vraiment comme des motifs. En tout cas, c'est ce qui se passe au niveau de la création artistique, c'est qu'ils travaillent sur les motifs avec des variations pendant très, très longtemps, en les associant à des textes, en les modifiant, en les détournant aussi au niveau de la signification auquel, sur laquelle il veut travailler, même au niveau du coup de la reproduction artistique. Donc je parlais du rocher, par exemple. Certes, c'est un thème de prédilection pour tout ce qui est la représentation de la nature, à la fois quand il l'introduit dans un sujet religieux, il peut très bien être une référence à une signification religieuse telle que la stérilité de Sainte Anne, qui a très longtemps attendu avant de pouvoir avoir un mari. Donc c'est peut-être une signification un peu négative, du coup, si vous voulez, qui est dépassée par l'arrivée de l'eau, qui là tient une sorte de signification positive de régénération. Et à la fois, c'est quelque chose qui, la roche, dans certains d'autres dessins, c'est plutôt une référence à un élément primitif qui est lié à tout ce qui est le monde originaire, qui nous rappelle un peu la caverne. Donc j'ai un peu l'impression, en tout cas en peinture, c'est que le motif, c'est un motif qui déjà l'intéresse d'un point de vue visuel, peut-être même d'un point de vue de l'écriture, et qu'ensuite, à partir de là, il peut très bien le développer et en peinture et en écriture, par son reflet de l'imagination et de l'invention, avec des conclusions différentes qui ne sont pas arrêtées non plus, et que pour lui, il n'y a pas quelque chose de très rigide au niveau de la signification et de la symbolique pour les motifs qu'il emploie, tout comme l'eau, elle est à la fois un élément naturel lié aussi à un élément primitif, mais c'est aussi un élément de travail sur lequel il réfléchit de manière plutôt rationnelle sur la manière où il faut la réglementer pour quand il travaille sur les fleuves, par exemple, quand il travaille sur le mouvement, pour des questions tout à fait pratiques et concrètes. Et à la fois, dans un tableau, l'eau peut être aussi le symbole justement de l'Immaculée Conception qui permet la création, la naissance de Jésus. Donc je pense qu'il travaille un peu par des motifs en travaillant sur les fables. D'ailleurs, l'idée même que le même motif, parfois il associe à quelque chose de positif et parfois pas, ça revient à mon avis de l'ordre d'une sorte de réflexion qui part d'une observation et qui ensuite peut donner des effets différents. Il n'est pas très rigide, je pense, dans la réforme. Et c'est peut-être que ça ne s'est pas trop vu parce que je n'ai pas présenté assez d'exemples, mais à force de les voir, en tout cas en dessin et en peinture, on se rend compte qu'il y a tellement des facettes aussi d'interprétation de ces mêmes motifs, rien que en peinture et en dessin, que ça ne m'étonne pas que même au niveau de l'écriture, pour lui, l'association n'était pas directe entre une signification et un motif, et qu'il n'allait pas toujours dans le même sens. Mais au contraire, peut-être que le jeu, c'était aussi de partir du même élément, de voir où ça pouvait le conduire. Question finale pour Olivier. Olivier, j'ai apprécié ta référence au passage fondamental sur l'ingegno del pittore che vuole essere la similitudine dello specchio, il qual sempre si trasmuta nel colore della cosa che ha per obietto. Mais je crois que ce passage montre une interprétation de la métaphore du miroir chez Léonard qui ne se réfère pas simplement au problème de du reflet mimétique, parce qu'il y a le verbe trasmutare qui nous fait réfléchir sur le domaine sémantique de la métamorphose. Et donc, il y a ce niveau du problème du miroir, tu l'as dit, qui est un symbole ambivalent, qui peut donner des significations à la fois positives et négatives. Mais ma sollicitation regarde aussi, concerne aussi Cicéron. À ton avis, est-il possible que la façon avec laquelle Cicéron fait du miroir la métaphore la plus emblématique de la vertu et du modèle pour les princes, et donc le miroir des princes peut marcher de manière similaire à celle que Léonard emploie en faisant du miroir l'instrument, le moyen d'une réflexion de vertu picturale, mais la peinture est la limitation de la réalité. Donc il y a une signification conceptuelle, philosophique complexe sous cette métaphore, sous l'emploi de cette métaphore. Et donc peut-être le mécanisme rhétorique est similaire. Ben écoute, je te remercie beaucoup de cette suggestion à laquelle je n'avais pas pensé. Je promets d'y réfléchir. Plus généralement, je crois que effectivement, enfin, il y a comme tu le disais, toute une tradition, bien évidemment, de l'emploi de cette métaphore du miroir dans des domaines extrêmement variés, liés à la morale, liés à la rhétorique, liés à la poétique, liés à la philosophie, liés, bon. Un point, moi, qui m'avait intéressé, donc je réponds en répondant à côté, un point qui m'avait moins intéressé, c'était la question de la métaphore du miroir chez Nicolas de Cuse, où effectivement cette métaphore est absolument récurrente, très importante, et je m'étais demandé, si tu veux, dans quelle mesure éventuellement la pensée de Nicolas de Cuse n'avait pas aussi influencé la pensée de Léonard, notamment sur la question du miroir. Enfin, on sait bien que l'influence de Nicolas de Cuse sur Léonard est grande, mais sur cette question-là précisément, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour creuser la question, parce que c'est un gros, si j'ose dire, un gros morceau, mais c'est une question sur laquelle, en effet, j'aimerais un jour éventuellement revenir. Hein. Donc je te remercie de la suggestion, et je t'en propose donc une autre. Un don contre don. Voilà. Excusez-moi, je prends brutalement la parole. Il faut qu'on ait le courage d'arrêter, parce qu'on est censé reprendre les travaux à 14h et qu'on a donc moins d'une heure là pour déjeuner, vous aussi d'ailleurs, en espérant que cette matinée n'a pas été trop dissuasive pour vous et que vous reviendrez cet après-midi. Donc merci beaucoup.